Dans la salle à manger du presbytère, entourée de meubles anciens, Céleste prépare le couvert de monsieur le curé. Le voici justement qui entre et il paraît de fort bonne humeur. La bonne Céleste, voici une importante nouvelle. Monsieur le marquis déjeune ici demain. Il vient tout seul au moins. Céleste. Je vous dis ça parce que du moment que vous invitez ce grand mécréant, il n'y a pas de raison qu'il n'amène pas toutes ses nièces. Céleste, la médisance aussi est un péché. D'ailleurs, monsieur le marquis, en sa qualité de maire de la commune, peut faire réparer le toit de notre église où il pleut comme au champ de foire. Et mon invitation n'est peut-être pas entièrement désintéressée. Bon. Mais Céleste, il me paraît indispensable de lui préparer un bon repas. Bon. Ah. C'est une chance tout de même que nous ayons du pain frais. Regardez ça, monsieur le curé. Oh, c'est beau, du pain frais.